Comment pousser les bords du monde? Bob Dylan. Comment pousser les bords du monde? Un feuilleton de François Bon. Deux, New York sous la neige, une guitare à la main. Ce qui nous lie à Bob Dylan, c'est un jeu de miroir. Rien de plus proche que ce qu'il nous propose, rien dont nous ayons autant besoin. Et ce sont pourtant des figures dont lui n'a cessé toujours de se départir, se présenter à côté, en décalage. On a de lui des images. Ce jeune type, imberbe et blême, cheveux en désordre et lunettes noires de vedette de film, pour cacher des traits de bambin, avec une guitare devant lui et l'harmonica sur son support de métal. On sait qu'il y a eu la romance avec Joan Baez. Il y a l'image vague de l'accident de moto, puis tous ces disques, guitare électrique en bandoulière, où on se perd. Il y a les images parasites, les concerts passés à réaccorder la guitare ou tourner carrément le dos au public. Il y a les phases mystiques, et même Dylan converti, s'inclinant devant le pape des catholiques, les disques ratés et l'homme qui boit. Il y a l'étonnante longévité. Ce type identique à lui-même, continuant de promener tout autour du monde d'inusables chansons de génie. Et on s'en veut alors d'avoir laissé tomber, de ne pas avoir tout écouté. Ces disques continuent de nous parvenir chaque 2 ans, parfois même rien que lui et sa guitare, pour de vieilles antiennes de la tradition et que rien n'est abîmé de la rage, de la couleur. Cette voix traînante qui décompose les mots américains et les réouvre à ce qui résonne dans la poésie. Image flottante, récit discontinu, et la posture même. Vous ne me comprenez pas? Peu importe. Si Dylan a été une telle référence pour l'histoire du rock, c'est là qu'elle s'enracine. Come here, ladies and gentlemen, listen to my song. Sing it to you right, but you might think it's wrong. Just a little glimpse of a star out of town by an East Coast city that you all know well. It's hard times from the country living down in New York town. Et pour la légende, New York, ce 24 janvier 1961. Il aura 20 ans dans 4 mois. Du vent sur la ville, de la neige. Une voiture qui s'arrête venue de Chicago. Deux types qui descendent, remercient le chauffeur, un qui a une guitare à la main. Il dit qu'il a dormi sur la banquette arrière de la Chevrolet, les 24 heures qu'a duré le voyage depuis Chicago, et qu'à l'entrée de New York, il a simplement demandé qu'on le laisse là, au bord du trottoir. Mais faut-il le croire? C'est qu'elle est tellement belle, l'image du type tout jeune, portant son étui à guitare avec sa Martine acoustique d'occasion, sous les immeubles qui émergent juste du brouillard de l'aube. C'est lui qui dit qu'il y a du brouillard. Pour la beauté de l'image, ou pour le flou du souvenir. Et les congères de neige salies au bord des rues. Mais pour lui qui vient du Minnesota, la neige, ça n'a rien d'inhabituel ou d'effrayant. Mais comme c'est loin, d'un seul coup, et bing, le Minnesota. À 20 ans, on se passe de valise. Il y est, à New York. Est-ce qu'il a des adresses en poche, déjà? Difficile de savoir. Il aura un appartement seulement en septembre, 6 mois plus tard. En attendant, c'est probablement des hôtels, chambres à la semaine, plutôt Brooklyn que Greenwich Village, le moins cher possible, ou au hasard, de qui l'héberge. Je revenais un peu avant l'aube, je faisais attention à ne pas me prendre le pilier, j'ouvrais le canapé, je dormais. Et ça fait partie de l'apprentissage. Des adresses dans la poche, oui, il en a. Les endroits où on peut se présenter quand on a une guitare et qu'on connaît 3 chansons. La première adresse, ce n'est pas très brillant, mais c'est quand même le village. Les rues où sont les clubs, la base. Ça s'appelle The Wah, le quoi. Le patron s'appelle Fred Neil, chanteur lui-même, qui aura plus tard un tube et pourra enfin arrêter la galère. Le soir, on accueille des professionnels, comme dans les autres bars à côté. Mais l'après-midi, on laisse passer qui veut et on partage la recette. Il y a des comiques, dit Bob Dylan, dont un certain Woody Allen. Il y a Tiny Tim, qui chante en falsetto en s'accompagnant d'un ukulélé. Il y a ceux qui ne connaissent qu'une seule chanson, comme un nommé Billy, qui avait fait de la prison et chantait « High Heel Sneakers » et seulement celle-ci, en la présentant chaque fois par « Celle-là, elle est pour vous, les filles ». Il y a un type qui s'habille en curé avec des bottes à grelots et déclame des versets de la Bible. Il y a un aveugle qui s'appelle Moondog, chien de la lune, qui porte un casque de viking sur la tête, une couverture sur ses épaules, et joue du flageolet et de la flûte de Pan en racontant des monologues. Quand il y a un peu de monde, alors le patron, Fred Neil, prend sa guitare et joue des chansons de force à évader, des histoires de marins, de vagabonds. Mais parfois, il disparaît pour de mystérieux séjours en Floride. Quand Dylan se présente, il lui demande de lui montrer ce qu'il sait faire. Première chance, première malchance. Jouer le soir, non, pas au niveau, dit le patron. Mais l'accompagner, lui, Fred Neil, à l'harmonica, il aimerait bien. Bob Dylan va jouer avec le patron. Ce n'est pas un début de luxe, mais c'est quelques dollars d'assuré. Dylan et Tiny Tim sont copains avec le cuisinier. On se sert de Coca-Cola directement dans le poêlé. Et il y a toujours un hamburger de trop dans la poêle ou une assiette de frites. The Wah, c'est le début de tout. Déjà une situation puisqu'on mange et que le patron vous donne quelques dollars. Et à la fin, qu'il demande si quelqu'un dans la salle ne pourrait pas héberger le petit nouveau venu de son or lointain. En tout cas, c'est ainsi que Dylan, dans ses chroniques, son livre autobiographique, raconte son début à New York. Sa vie auparavant, il n'en parle à personne. On fera un vague flashback lors de son premier rendez-vous avec l'attaché de presse des disques Columbia, un type à cravate qui lui pose des questions de routine. Alors il lui répond par l'archétype de la vie de clochard errant, venu à New York en train de marchandises, l'autre avale. C'est la façon d'Ilan. Vous voyez, je lui racontais un mensonge et il gobait. Mais alors ce qu'il vient de nous raconter plus haut, du mensonge aussi ? Personne n'a jamais retrouvé Moondog, ni Tiny Tim, pour en savoir un peu plus. Mais cette cour des miracles, ce sera un peu la famille adoptive de Dylan. Les copains pour toujours, ces saltimbanques de passage aussi dans toutes ses chansons. On essaye de se placer dans les autres cabarets, mais les places sont chères. On fait la manche dans les bistrots, on chante, on fait passer le chapeau. Le plus doué pour ça, c'est Richie Evans. Il a une jolie fille avec lui, et c'est elle qui fait la manche quand lui chante. Dylan fait pareil, prétend-il, avec la serveuse de The Wah à ses heures libres. Même en partageant moitié-moitié, il se fait plus d'argent avec elle que tout seul, ce qui veut dire pas beaucoup. Never had no money. Bien sûr, un peu plus loin, il y a The Gaslight, la lampe à gaz. Là jouent les forts du folk. Mais pour Dylan, ce sont des figures inaccessibles. En particulier, Dave Van Ronk. Dylan raconte qu'un jour de neige, il est dans la rue quand l'autre passe tout près de lui. Il le regarde, fasciné, ne lui adresse pas la parole. Un jour, lui, Bob Dylan, pourra comme ça être reconnu dans la rue et jouer dans un cabaret connu. En attendant, le soir, on ne peut même pas jouer sur la scène de The Wah. Alors on se retrouve dans la catégorie d'en dessous, au Café Bizarre, en français dans le texte, avec sa scène sans micro et les ouvriers ou tous les fauchés qui mangent du beefsteak à pas cher en parlant fort, des types qui mangeaient de la viande rouge en parlant de cul, dira Bob Dylan. C'est qu'il n'est pas seul à faire la tournée des scènes ouvertes. Alors on doit en faire un peu plus, ou le faire un peu mieux. C'est une école, une rude école. Les folk songs de Lead Belly ou de Big Bill Bronzy, des chansons qui raclent, et en rajouter sur la guitare. Lui, il dit, une guitare furieuse. Soit je faisais fuir les gens, soit ils s'approchaient pour écouter mieux. Il y a l'American Folklore Center. Même rue, McDougall Street, angle 3e avenue. Le propriétaire s'appelle Itzy Young. C'est un magasin, mais à l'étage, alors pas grand monde qui vient. Il vend des instruments, banjo, dulcimer, et quelques guitares d'occasion. Et puis des partitions, presque une collection, toute l'histoire du folk et du blues. La première fois qu'il monte, Dylan, c'est parce qu'il cherche les bureaux de Folkways et qu'il s'est perdu. Il a les yeux un peu écarquillés. Il est timide, ose à peine fouiller dans les cartons. Mais il revient. Il est seul avec le patron. Et Zi Yang, ses premières semaines, c'est un soutien essentiel pour Dylan. Young l'emmènera même chez Vanguard, la grosse maison de disques qui vient de sortir le premier disque de John Baez. « On ne prend pas les cinglés », diront-ils à Edzi Young après l'audition. Au Folklore Center, il n'y a pas beaucoup de passages. Alors on va dans la pièce du fond qui sert de chambre et de cuisine à Edzi Young, parmi les livres et les papiers. Il y a un poêle à charbon et un phonographe, même si c'est déjà le temps des pick-up, avec des disques 78 tours en acétate noir, rigide. On écoute Pete Seeger. On se gaffe de vieilles chansons. Le naufrage du Titanic. John Henry et son marteau. John Hardy qui avait tué un homme en Virginie sur la ligne de chemin de fer. Il les portera toujours, ces chansons-là, Dylan. C'est son vocabulaire de base. Non pas la protestation ni la politique, mais l'Amérique, son aventure. Et comment un pays s'est fait avec les mains. John Hardy, he was a desperate little man. He carried two guns every day. He shot a man on a West Virginia line. I seen John Hardy getting away, poor boy. New York, 1958. Vu par Allen Ginsberg. Quelquefois, j'en ai les yeux tout rouges. Grimpant en haut du gratte-ciel RCA, je l'admire, ce monde, Manhattan, les buildings, les rues de mes prouesses. Les appartes, les matelas, les robinets, eau froide seulement. Et la 5e avenue, je m'y promène aussi en rêve. Vieille bagnole, taxi jaune. Gens qui marchent, gros comme une épingle. Panorama des ponts, couchés de soleil sur Brooklyn Machine. Les chemins qui s'en vont dans ces rues cachées. Couchés de soleil sur tout ce qui est à moi. Je marche dans la tristesse hors temps de l'existence. Ma tendresse coule à travers les immeubles. Du bout des doigts tu racles le visage de toute réalité. Mon visage à moi en larmes dans les miroirs. Ébloui par le spectacle tout entier. Combat des hommes dans la rue. Leurs paquets, leurs journaux, les cravates, les beaux costumes. Hommes, femmes luttant sur le bitume. Les lampes rouges clignotent. Les montres accélèrent. Et tous ces mouvements en courbe. Est-ce que c'est aussi ce qu'il a vu de New York, Bob Dylan? Ce n'est pas chez les gens chez qui on squatte qu'il peut écouter des disques. La musique, il l'a fait quand il la joue, dans ses bistrots bruyants. Répéter, pour moi, c'était jouer pour quelqu'un. Et puis les après-midi à boire du café, dans l'arrière-salle cuisine et chambre d'Edzi Young au Folklore Center. Lui, il est un peu spécial. Une salopette d'ouvrier, des chaussures de chantier, une cravate de travers par là-dessus, de grosses lunettes. I sing the song, then I kick him out, then he comes back, then he comes back, then he came back. And then I started pointing people. I said, listen, see that guy in the back room? His name is Bob Dylan. Dylan ne précise pas combien de semaines cela dure, ses visites au Folklore Center. Mais les vieilles partitions, les enregistrements d'ethnologie, on les déchiffre, on les commente. Une belle chanson étrange, en mineur. On la repasse tout l'après-midi. Maintenant, il peut les situer dans leur histoire, les déployer dans leur chant. Edzi Young, sur son bureau, a en permanence un cahier ouvert, son journal, et il note à mesure tout ce qu'on lui dit, c'est un tic. Il note donc aussi, ce mois de février 1961, ce que lui dit Bob Dylan. Dylan sort des phrases étranges, et on a cette chance que quelqu'un les ait notées. Je joue beaucoup aux cartes. Je crois beaucoup à la main du mort, les as, les huit noirs, la main du mort. Ça paraît illogique. Mes autres croyances sont logiques. La longueur de mes cheveux, par exemple. Moins on a de cheveux sur la tête, plus on a de cheveux dans la tête. Si tu les coupes en brosse, ta cervelle, elle est en pagaille des cheveux de l'intérieur. Si je laisse mes cheveux pousser, c'est pour être libre de penser. Et aussi les religions. Je suis sans religion. Essayez un paquet de religions. J'ai jamais vu un dieu. Et j'en parlerai pas avant d'en avoir vu un. En tout cas, il est à l'American Folk Center, une fois de plus seul avec Itzy Young, quand un client pousse la porte. Parce qu'il y a une Gibson d'occasion accrochée au mur, il veut l'essayer. C'est Dave Van Ronk. Il joue des rythmes de valse, paraît-il, sur la guitare à vendre. Et quand il va partir, Dylan s'avance et lui adresse la parole. « J'ai posé mes deux mains sur le comptoir. » C'est la violence qu'on se fait à soi-même. C'est l'énigme que toujours on cherche à ouvrir. Si on ne sait pas intérieurement que c'est possible, on ne le fait pas. Mais si on n'a pas cette volonté de saut, ce culot, on peut être aussi bon qu'on veut, on ne franchit pas l'étape. Comment on fait pour jouer au Gaslight ? Dave Van Ronk, un grand rouquin, haut comme le plafond, le regarde de très haut. « Tu veux quoi, mon gars, un poste de concierge ?» Dylan ne se demande pas. « Non, jouez. » Ça tombe bien, la Gibson est encore sur le comptoir. Il joue une chanson pour Van Ronk. Et la trouille forcément qu'on l'a dans ces conditions. Il se souvient même de la chanson, un classique. « Nobody knows you when you're down and out. » Van Ronk lui dit de passer le soir vers 9h au Gaslight. Qu'il laissera jouer trois chansons en ouverture de son propre concert. C'est pour cela qu'on est dérouté lorsqu'on lit les chroniques de Bob Dylan. Et qu'en même temps, c'est un livre magistral. Non pas l'artiste racontant ses prouesses par ordre chronologique, mais cette suite dispersée d'instants, d'intensité, ce que personne d'autre que lui ne saurait voir. Il est 4 heures l'après-midi, et on a la chance de sa vie pour 9 heures le soir. Alors on fait quoi en attendant ? On va où ? On voit qui ? Dans ses chroniques, Dylan ne raconte que ce genre d'instants. Si on ne sait pas le contexte, sans doute qu'on est dérouté à le lire. Qu'on se soit un peu renseigné, alors les portes qu'il nous ouvre sont les portes essentielles. On aurait fait quoi, nous, dans la même situation ? Come here, ladies and gentlemen, and listen to my song. Sing it to you right, but you might think it's wrong. Just a little glimpse of a star out of town by the East Coast city that you all know well. It's hard times from the country living down in New York town. On est fin février ou début mars, parce qu'il gèle encore à New York, même si pas tout à fait moins 25 degrés Celsius comme il le prétend. En tout cas, moins de 2 mois après son arrivée, son premier concert pour de vrai. 3 chansons au Gaslight. Well, the weak and the strong and the rich and the poor gathered together, ain't room for no more. Crowded up above and crowded down below. When someone disappears, you never even know. And it's hard times from the country living down in New York town. It's a mighty long ways from the Golden Gate to Rockefeller Plaza and the Empire State. Mr. Empire sits up as high as a bird, and old Mr. Rockefeller never says a word. It's hard times from the country living down in New York town. Well, it's up in the morning trying to find a job of work. Stand in one place till your feet begin to hurt. If you got a lot of money, it can make yourself marry. If you only got a nickel, it's a Staten Island ferry. That's our time from the country living down in New York town. Mr. Hudson come a-sailing down the stream. An old man you missed who had paid for his dream. He bought your city on a one-way track. If I had my way, I'd send it right back. It's hard times from the country living down in New York town. Jean-François Néolier, Julien Dumas, Ella Marder, Annabelle Brouard, Claude Guerre. Comment pousser les bords du monde, Bob Dylan. Un feuilleton en 15 épisodes, written and talked, écrit et raconté par François Bon. So all you newsy people, it's spreading news around. You listen to my story, you listen to my song. You can stamp on my name, you can try and get me beat. When I leave New York, I'll be standing on my feet. It's hard times from the country, living down in New York. Demain, 3e épisode. Woody Guthrie voulait-il un fils ?